Ce vendredi, à la vie en BD, des histoires de canards, une guerre spatiale, des commentaires BD et plus. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art. Et 9e art, cette semaine qu'on aborde dans différents angles et dans différents spectres. Vraiment, en fait, cette semaine d'ailleurs, en fait, nos deux invités vont lorgner dans des styles qui sont radicalement différents. Et on aime bien ça, évidemment. En fait, personnellement, j'aime bien justement explorer des BD, ma foi, fort, fort différentes. Et deux bandes dessinées que j'ai bien aimées cette semaine qu'on va vous proposer justement dans ses entrevues. En deuxième moitié, c'est une première parution de François Vigneault, en fait, une bande dessinée qui s'était déjà initialement retrouvée sur des publications à caractère épisodique du côté anglophone, mais qui se retrouve donc en version livre pour la première fois, mais en version francophone. C'est Titan de François Vigneault qui est arrivé, je pense, en cours d'été, du côté des éditions Pow Pow, une bande dessinée qui nous amène dans une station spatiale entre des Terrans et des Titans, entre ouvriers et dirigeants. Donc, une histoire avec un caractère quand même assez classique de lutte des classes, de lutte des races, de lutte tout court, si on peut dire, avec une histoire d'amour au travers de tout ça également. Une histoire qui résonne quand même pas mal aussi dans les débats et les discussions qu'on a actuellement, que ce soit dans notre société ou nos sociétés au sens large, et tout ça en rose et noir. Donc, bref, ce sera un livre fort intéressant à explorer. Ce sera vers 18h. Dans quelques minutes, on va jaser avec Matt Hordog, qui, lui, vient de nous offrir tout récemment le deuxième tome de ses Pieds palmés, les Croque-mitaines du Nord. J'avais bien aimé le premier, vraiment, fait un retour à la vieille école, un peu bande dessinée à caractère un peu rétro, mais dans une perspective actuelle, une bande dessinée qui lui avait valu, d'ailleurs, à l'époque, le prix du meilleur premier album du côté du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, là, les prix BDIS Causa. Et, ben, un deuxième album qu'on attendait depuis 2 ans, qui vient d'arriver et qui nous amène des terres arides, des déserts et de tonalités jaunes vers le bleu et le blanc des territoires nordiques. Alors, on va en parler avec lui dans quelques instants. Également, en fin d'émission, il y aura Jérôme Vermette qui sera de passage pour nous partager ses commentaires BD. Comme d'habitude, on commence l'émission avec quelques actualités autour de la sphère de la bande dessinée et de l'illustration également. Triste nouvelle d'ailleurs pour commencer, l'illustrateur québécois Francis Bach, qui est décédé à 58 ans, créateur au très fin et assuré, spécialiste des reconstitutions en images de sujets historiques. Alors, en fait, ses talents ont été utilisés tant en illustration du côté littéraire, mais aussi pour des musées, des parcs nationaux, la télévision, le cinéma, ici comme ailleurs dans le monde. Il enseignait également souvent son art en Asie. D'ailleurs, pour en apprendre un peu plus sur son travail, son parcours, son influence, je voudrais faire un bel article de Stéphane Baillargeon dans le journal Le Devoir d'aujourd'hui. On l'a relayé d'ailleurs sur le Facebook de l'émission si vous voulez aller jeter un coup d'œil. facebook.com/ La Vie en BD. Sur une note un peu plus joyeuse, plusieurs prix littéraires qui ont obtenu leurs finalistes, notamment c'est le cas des prix jeunesse des libraires du Québec, édition 2018. Liste préliminaire, évidemment, nous on s'intéresse un peu plus aux livres illustrés. Alors, on parle entre autres de Frida, c'est moi, Gilles, Le Jardin invisible, je suis là, Les murs et l'oiseau de Colette, dans la catégorie 0 à 5 ans. Dans la catégorie Québec, catégorie hors Québec, ben, on va chercher Le bain de Berck. Comme tout le monde, L'enfant, la baleine et l'hiver, Je n'aime pas Koala, Quoique bzz, mais Maman ours. Et pour les 6 à 11 ans, Québec, c'est Azada, de Jacques Goldstein d'ailleurs. Gaïa et le petit désert, Mammouth Rock, de Guillaume Perrault, qui est sur ma pile d'ailleurs de lecture. Olga et le machin qui pue, plus, Pop-out est mort et les vieux livres sont dangereux. Donc, qui ont été finalistes, plusieurs livres illustrés ou à caractère illustré qui se retrouvent dans ceux-là. Signalons également que dans la catégorie 12 à 17 ans, qui va chercher autant des livres illustrés que des romans plus classiques, mais il y a également Louis parmi les spectres de Fanny Britt et Isabelle Arsenault qui se retrouvent parmi les finalistes. Autre prix que trouvé, donc, ces finalistes, c'est le prix littéraire du gouverneur général. Alors, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est littérature jeunesse illustration et pas encore de prix du gouverneur général pour la bande dessinée. Ce serait peut-être quelque chose à faire côté pression éventuellement. Mais en ce qui a trait donc à la littérature jeunesse, c'est Azada de Jacques Goldstein à la pastèque. Également à la pastèque en voiture à l'Amérique en chemin de fer de Pascal Blanchet. Fred de Petit Chaminou de Christian Duchesne et Marion Arbora à la bagnole. La légende de Carcajou de René Robitaille et Slava Kolessar à Planète Rebelle. Et enfin, Louis parmi les spectres de Fanny Britt et Isabelle Arsenault également à la pastèque. Et tiens, puisqu'on reste un peu dans les prix pour terminer ce tour de piste, parlons de prix et de récompenses du côté de la France. Alors, il y a le prix Ouest France Quélibulle 2017 qui a annoncé les 5 finalistes. Alors, il s'agit de Idéal Standard d'Aude Picot chez Dargaud, La Terre des Fils de JP chez Futuropolis, Le Monsieur Désir de Hubert et Virginie Augustin chez Glénat, de Pereira Prétend de Pierre-Henri Gaumont chez Sarbacane et de S'enfuir de Guy Delisle, c'est chez Dargaud. Alors, ça, le lauréat sera connu le samedi 28 octobre prochain lors du festival Quai des Bulles. Et également, toujours dans le registre de Quai des Bulles, le prix révélation de l'association du festival qui vise à valoriser et encourager le travail des jeunes auteurs de BD a récompensé, lui, pour l'édition 2017, Robin Cousin pour Le Profil de Jean Melville aux éditions FLB. Le jury, donc, c'est FLBLB pour donc l'acronyme. Alors, le jury composé de plusieurs autres ont choisi de reconnaître donc ce livre qui raconte l'histoire d'une multinationale de consulting, Gemini, qui s'apprête à lancer une application révolutionnaire de coach individuel sur lunettes connectées. Et dans la suite, il y a une série de sabotages qui endommagent des câbles sous-marins par lesquels transite l'Internet mondial. Alors, c'est un peu l'initiative. Et ce que le jury a apprécié particulièrement dans ses trouvages, c'est que l'air de rien, avec un art consommé du décalage efficace sans jamais être démonstratif, Romain Cousin ferait le procès des fameux algorithmes qui scrutent, analyse et façonne les comportements des utilisateurs de moteurs de recherche et autres réseaux sociaux, peu ou peu pour nous tous. Alors, ben voilà cette note. Alors, ben là-dessus, on va s'en aller maintenant en musique. La formation qui nous accompagne au fil de l'émission, on l'a choisi par le titre, toujours dans la 8-bit, c'est l'album Titan d'Axel Lane. Et on en écoute immédiatement un premier extrait qui s'appelle Iris. De La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble des émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on porte notre regard sur une bande dessinée jeunesse qui est arrivée, qui est encore presque toute chaude, j'ai l'impression, qui est arrivée tout récemment sur les étaux des libraires. Il s'agit des Pieds palmés, le tome 2, Les Croque-mitaines du Nord. C'est aux éditions Michel Quintin. Et son scénariste et dessinateur, son auteur, Matt Hordog, est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Les Pieds palmés de retour, donc, on le disait, avec un deuxième tome, après 2 ans, donc, suite au premier. Est-ce que tu as l'impression, entre le premier et le deuxième tome, que ton approche visuelle, que ton habileté comme dessinateur, que tu as évolué beaucoup, dans le fond, comme auteur, au fil de ces deux albums-là? C'est sûr que oui, il y a une progression forcément. Ça, qu'on travaille sur un album ou qu'on fasse des petites planches individuelles, oui, ça, quand je regarde ce que je faisais il y a 5 ans, je vois toujours la progression. Ça, c'est clair. Encore là, les pieds palmés, j'ai terminé ça vers la fin de l'année passée. Là, j'entreprends des travaux ces temps-ci, puis je vois toujours la progression. Pour ce qui est du scénario, entre le premier et le deuxième, bon, en ce qui me concerne, on est toujours dans les mêmes eaux. C'est la suite, on est dans le même univers. Sauf que cette fois-ci, je crois avoir réussi un scénario qui est un petit peu plus complet, en rapport avec un vrai bon méchant qui est politique et qui incarne divers idéaux démoniaques, chose qu'il n'y avait pas, démoniaque en tout cas, on s'entend. On pourrait y revenir, chose qu'il n'y avait pas dans le premier. Dans le premier, il y avait des entités antagonistes, il y avait des remoteurs, il y avait des gros robots, mais il n'y avait pas vraiment de méchants, tandis que là, t'en as un qui est là du début à la fin et qui va contrecarrer les bonnes intentions des personnages tout le long. Oui, puis à la limite, en fait, j'ai presque l'impression que c'est un peu le vilain aussi qui sert d'ancrage à tout ce qui se passe autour. Dans le fond, on a un village donc qui subit son emprise, on a des héros qui essaient de lui opposer, on a des mythes, dans le fond, qui vient exploiter, et ça devient un peu la. Disons le je dirais pas le soleil de l'album, mais dans le fond le soleil sombre, si on peut dire, de cet album-là, autour duquel c'est construit cet univers-là, presque. Oui, absolument, c'est ça. On commence dès le départ avec un peu comme il y a dans certaines séries télé, on commence avec des personnages qui vont être là que pour cet épisode-là. On expose le problème. Et là, bien sûr, habitués que nous sommes à ce genre de choses, on sait très bien que nos héros vont intervenir. Donc oui, il y a vraiment. Je voulais partir de ça et non pas on part des personnages et qui vont rencontrer. Je voulais exposer dès le départ le problème. Alors oui. Et à la limite, en fait, tu me diras si c'est viable comme impression, mais je me disais, bon, on va y revenir pour le détailler, mais il y a une belle galerie de personnages là-dedans, et les héros, les pieds palmés, Quinquin et les deux canetons, ben, se retrouvent à l'intérieur d'un groupe de protagonistes. Ils sont pas les seuls protagonistes. Enfin, ils viennent se joindre à une entité. C'est un peu presque dans l'esprit Mad Max, en fait, où il est pas nécessairement le héros du film, mais il devient de facto le bras droit des héros. Absolument, oui, Mad Max, tu me fais plaisir en soulignant ça, mais oui. Puis aussi, notre trio, ce que j'aimais, c'est qu'ils sont séparés, ils sont pas ensemble. Quinquin, de son côté, bon, c'est l'épisode où le héros est pris d'une maladie et il est un petit peu moins actif, mais bien sûr, il va agir. Marie-Cane qui se retrouve avec une troupe dans la forêt. Doki qui se retrouve, tant qu'à lui, avec un autre personnage dont on ne dévoilera pas l'identité. Ça, je trouvais ça le fun. Et oui, comme tu dis, c'est ça. C'est nos héros qui vont rencontrer d'autres personnages. La situation pourrait avoir lieu sans eux. Ils ne provoquent pas ça, mais ils vont provoquer et contribuer à la résolution des problèmes que vivent ces personnages-là, qui sont là le temps d'un album. Et le fait justement de les avoir séparés, est-ce que c'était, évidemment, c'était volontaire. J'imagine que dans le premier, on travaille beaucoup justement sur la dynamique qu'ils ont ensemble. Et le fait de les séparer, ça permet de mettre de l'avant leur personnalité propre, leur dynamique individuelle, si on peut dire. Oui, absolument. Et c'était un peu l'idée de je voulais mettre quelqu'un un peu petit peu pas de côté, mais c'est ça, donner un peu plus la place aux cantons, voir eux comment ils dealeraient devant des événements sans leur protecteur avec eux. C'est ça, je voulais axer ça un peu plus sur les personnages jeunes, mettre de l'avant la débrouillardise et ce genre de truc. Et justement, là, on a donné beaucoup d'indices aux gens sur l'histoire, le récit. Je laisserais peut-être nous présenter un peu l'amorce, à tout le moins, les prémices des Pieds palmés, tome 2. OK. Alors, dans le fond, ça se passe dans une contrée nordique, d'où le nom les Croque-Mitaines du Nord. Alors, il y a un mania de l'industrie de l'eau embouteillée qui s'arrange pour faire travailler un peuple qui est là. Il leur fait casser de la glace en leur faisant croire qu'en cassant la montagne de glace, ils vont trouver un sceptre qui leur permettra de combattre une entité maléfique, mais qui n'existe pas et qui a été montée de toutes pièces par lui et son ami, le grand parleur Patmol, qui est un prophète, qu'on pourrait dire, un preacher, un dogmatique. de très beaux vilains, donc, en quelque sorte, un exploiteur et un prophète. Je trouve que c'était des très bonnes pistes. Oui, puis c'est des très bons archétypes. Des archétypes qui font, en parenthèse aussi, on peut se lancer un peu là-dessus, des archétypes qui font référence aussi à des choses, à des préoccupations bien actuelles, si on peut dire. Absolument, oui, tu le disais en intro, ben c'est ça, je viens de l'école, je suis assez de la vieille école, la franco-belge classique, mais aussi beaucoup du cartoon. Mes influences artistiques sont de ce côté-là, mais pour ce qui est du scénario, des idées, des préoccupations, ben évidemment, c'est le monde qui nous entoure, qui nous inspire, alors oui, absolument, oui, je pense que de ce côté-là, il y a quelque chose d'actuel et que c'est pas totalement insignifiant et juste... Des pleurs de bananes et des tapes sur la gueule. Oui, ben c'est qu'à la limite, en fait, ça ouvre aussi la discussion parce que veux pas, c'est une bande dessinée qui est destinée à un public, à un jeune public. Donc après ça, ben le parent lit, l'enfant lit, puis on peut discuter aussi du méchant. On peut parler du fait qu'il s'appelle sa capette, mais on peut aussi parler de ce qu'il représente, si on peut dire, de les fausses nouvelles, la naïveté, la raison d'être critique envers ce qu'on nous apporte comme information. Absolument, etc. Et c'est ça. Et le dogme dont je parlais tout à l'heure, t'as la fille du chef qui va être l'allié principal de Quinquin, qui, elle, est comme un peu la rebelle et qui reste critique par rapport à tout ça, et sans utiliser le mot religion et dogme et toutes ces choses-là, ben, on va parler de légendes et de contes. Les contes, les légendes, ça doit rester des légendes. Il n'y a pas de créature qui va venir nous punir si on n'obéit pas à tel commandement. Donc, oui, je pense qu'il y a de quoi... Le jeune va le lire peut-être et ça va passer comme du feu, mais oui, s'ils veulent creuser et en discuter, je pense qu'il y a un peu de matière quand même. C'est toujours agréable pour le parent, en fait, d'avoir des choses avec plusieurs niveaux de lecture, si on peut dire. Absolument. Moi-même, c'est ça. Nous tous. Moi, j'aime la BD grand public, jeunesse, mais effectivement, il faut qu'il y ait, comme tu dis, plus qu'un degré de lecture, là. Et à partir des prémices que tu es en train de donner, à un moment donné, ça déboule, ça va très vite. Dans le fond, une fois que les héros arrivent justement dans ce village, prennent conscience de ce qui se passe, s'en aillent volontairement ou non vers leurs aventures séparées, ça va très rapidement. Dans le fond, tu as choisi d'y aller avec un rythme efficace, là, si on peut dire. Oui, ben c'est ça. J'ai voulu... Je trouve que souvent, mes bandes dessinées font un peu trop vieille école, dans le sens... trop d'informations dans le dialogue. Alors là, j'ai voulu y aller un peu dans une logique de parcours, de déplacement. Les personnages se déplacent toujours, découvrent des cavernes secrètes, des couloirs, découvrent des portes. Donc j'ai voulu y aller dans cette optique-là. Il y a peut-être un peu moins de scènes d'action que dans le premier, mais il y a toujours de l'action dans le sens où les personnages sont toujours comme un peu dans une enquête, même si sans nécessairement vouloir, même si c'est pas nécessairement leur but, c'est ça. Il y a toujours de la découverte, de la surprise. Et en passant d'un à l'autre aussi, mais veux pas, on garde le rythme là-dessus ou on crée une tension aussi en s'en allant au bon moment. J'aime les bandes dessinées qui sont rythmées, dynamiques, justement, pas trop de dialogue. Moi, le style, bon, on cherche des indices, on va cogner chez quelqu'un, on y pose des questions, on revient. Non, ça, c'est un style qui m'embête un petit peu plus, là. J'aime quand ça déboule, justement. Est-ce que, justement, pour trouver ce bon rythme-là, pour que ça déboule bien, tu y reviens par deux fois, par trois fois, ça se passe pas mal au storyboarding, si on peut dire, au scénarimage, là? Oui, bien sûr. Tout ça est calculé d'avance, absolument. On pense beaucoup en fonction des décors. Bon, OK, tel personnage va être plus dans une caverne, un autre va être dans la forêt, un autre va être dans... Les décors, les lieux m'inspirent beaucoup aussi, là. Oui, puis d'avoir des lieux variés, dans le fond, parce que c'est sûr que si t'as trois personnes dans une caverne, même si c'est pas la même caverne, ben à un moment donné, ça finit par se ressembler aussi. Non, c'est ça, exactement. Faut varier, faut que les scènes aient des couleurs différentes. Bon, c'est sûr qu'on reste tout le long quand même dans le bleu et le blanc, mais c'est ça, faut... J'aime qu'en feuilletant un album, on puisse voir, ah, OK, là, il y a tel moment, cette scène-là, telle teinte, une autre scène en a d'autres, pour qu'on sache que, juste en le feuilletant, il y a l'air à se passer quelque chose, là, et non pas juste des personnages qui parlent. Et j'aime bien personnellement, en fait, Matter Dog, le fait que l'album a aussi une couleur dominante, parce qu'on le met à côté du Thomas, les terres arides, c'est jaune et orangé, absolument, et brun un peu, brun terre. On est dans le désert, c'est aride. Là, on est dans le nord, on disait, c'est blanc, c'est bleu, un peu de grisaille aussi. Ça fait deux albums qui sont radicalement différents, puis j'imagine pour toi aussi, ça doit être d'autant stimulant parce que tu refais pas le même décor, les mêmes ambiances, les mêmes couleurs. Après avoir dessiné la chaleur, là, tu dis, OK, il faut que je réussisse à faire de la neige. Oui, ça, c'est quelque chose qui est bien le fun et bien stimulant. Il m'est arrivé parfois de lire des mangas, puis bon, de retenir certains passages, mais tu te souviens pas c'est dans quel album, parce qu'ils ont à peu près toutes les mêmes teintes ou les mêmes couleurs. Là, j'aime... Dans les séries classiques, bon, il y a l'album de présentation, il va y avoir un album sous-marin, un album dans la jungle, un album, il y a toujours le fameux dans la neige. Donc, qu'on puisse vraiment les séparer. Avec ces deux-là, ça fait un beau diptyque. Il y a le jaune et le bleu. C'est sont vraiment distincts à ce moment-là, tout en restant dans le même univers et avec les mêmes personnages. Oui, puis après ça, bien, ça anime aussi en disant, bien, OK, si, mettons, il y en a un troisième tome, on va aller vers d'autres couleurs, vers d'autres ambiances. D'autres, un autre environnement, une autre géographie. Absolument, oui. Parce que est-ce que justement, tu pars un peu pour bâtir l'histoire, t'es parti en disant, je veux les envoyer dans le nord, est-ce que c'est plus parti du type de méchant que t'avais envie de mettre là? C'est quoi l'élément, le point d'amorce, si on peut dire? Cette question est amusante parce que je ne me souviens pas d'avoir pris la décision que le deuxième, c'est venu très tôt en process. J'étais déjà dans le premier, je commençais à travailler le deuxième. C'est un désir, tout simplement. J'aime l'hiver. J'adore ça. Je suis pas de ceux qui vont chialer l'hiver. J'adore ça. Je voulais... je sais pas. Je trouve que ça fait des beaux albums. Il y a une belle poésie, une belle dramaturgie dans le paysage hivernal. Je voulais ça. J'ai pas de... Je peux pas dire pourquoi... C'est ce que tu avais envie de dessiner. Ouais, c'est ça. Après ça, l'intrigue vient instinctivement à partir de là. On met les cartes, on met les ingrédients. Oui, c'est ça. Je me souviens d'avoir pensé au classique, là, une tribu aux prises avec un méchant exploitant, là. Puis avec, oui, je voulais qu'il y ait l'idée d'un un robot enfantin qui fasse peur. Mais qui, c'est ça, qui dégage une certaine pureté, une certaine candeur. Oui, puis qui tranche avec tes robots du premier tome aussi. Oui, c'est ça que je voulais. C'était un peu l'idée de mettre en scène un bébé mécasopode avec un peu une espèce de trip à la King Kong, là, la relation entre Ducky et le Kokovo, qui rappelle un peu celle de King Kong avec... je me souviens plus de madame, du nom de la madame, là. Bref, la dame oui, de c'est King ça, la blonde. Oui, je voulais... C'est ça, on part un peu de, bon, OK, qu'est-ce qu'on voudrait? On a des flashs, on voudrait ci, on voudrait ça, des idées, ça se bâtit tranquillement, pas vite. Puis, en fait, on sent que tu t'es laissé aussi aller au niveau des personnages. Je veux dire, tu aurais pu choisir d'avoir 4 ou 5 personnages dominants, mais finalement, tu as monté vraiment une galerie pour cet album-là. Il y a les villageois, il y a la bande des méchants, il y a les héros, évidemment. T'as les robots dont on a parlé, il y a un groupe d'enfants qui vient oui. interagir, il y a un autre groupe de super-héros qui apparaît, il y a un autre némésis du héros qui est là, il y a beaucoup de monde dans cet album-là, mais en même temps, je te lance un compliment par la main, on s'y perd pas non plus, je pense avec les caractères, le fait peut-être que les personnages sont animaliers permet d'aller plus rapidement, de comprendre efficacement les caractères d'un peu tout le monde, mais reste que t'as une galerie, c'est quoi une 30-40 personnages faciles. Je sais pas si c'est tant que ça. Peut-être un peu moins, mais ouais. J'y vais pour l'image. Là. C'est ça, il y en a qui sont moins présents. On a parlé de l'équipe de super-héros, par exemple. Mais je pense que ce qui fait qu'on s'y perd pas, justement, c'est que le fil conducteur, c'est vraiment l'histoire, l'intrigue. À un certain moment donné, tels personnages ne peuvent pas faire évoluer l'histoire, ne peuvent pas voir telle chose. Bon, ben, on switch à un autre personnage qui, lui, va découvrir... cet événement-là, ensuite on arrive à un autre personnage. Je pense que c'est ça qui fait que ça marche. Mais oui, c'est un beau compliment, merci. Ça doit être mon côté, j'aime les films chorales, ce genre d'histoire. C'est peut-être un peu ça. Et dans le fond, après ça, ça agit justement même pour toi de voir un peu qui va servir, c'est qui les éléments principaux. Après ça, c'est qui un peu qui sont là pour faire des gens, pour peupler l'album aussi. C'est ça, les personnages sont pas conscients de ce que les autres découvrent, mais nous, le lecteur, ben on a du plaisir justement à voir ce que chacun découvre et on le récit se bâtit et on a du plaisir, je pense, à voir qu'est-ce qui va arriver. Ça reste quand même prévisible, mais je pense que malgré tout, je pense que c'est pas un défaut. Là, t'sais. Je pense qu'on a du fun à imaginer qu'est-ce qui va s'en venir. Puis on a l'impression que les personnages eux-mêmes aussi, parfois, on a l'impression de s'amuser, à imaginer qu'est-ce qui va s'en venir, où ils jouent un peu avec le quatrième mur, où tu joues avec eux oui. à travers le quatrième mur, où ils ont une certaine conscience des personnages d'une histoire. Parfois, oui, c'est ça, ils vont faire référence à tel personnage. Ah, OK, ça fait quelques cases que ceci est arrivé. Oui, quand même, un petit côté conscient qu'on est dans une bande dessinée. Une complicité avec le lecteur que tu vas chercher là-dedans? C'est un jeu, oui. Je pense que c'est une façon pour moi de jouer avec le code, tout simplement, le code de la bande dessinée qui me fascine. Oui, puis de fait en même temps, ça amène un petit côté absurde, un petit côté accentue un peu le côté humoristique, si on peut dire, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce que tu proposes. Oui, ben c'est ça qui est, je pense que oui, je le refeuilletais dernièrement, puis je riais beaucoup, puis pourtant l'histoire, on pourrait avoir la même histoire, puis avoir une bande dessinée ou un film tout à fait dramatique. Les gags sont là pour garnir l'histoire par-ci, par-là, mais les gags ne sont pas mon moteur. Je pense pas, je me dis pas au départ, OK, il faut que ça soit drôle. Mon histoire, elle n'est pas drôle, mais je le sais que ça va l'être. Ouais, c'est plus l'ambiance, en fait. L'ambiance est cocasse, c'est drôle. Mais en même temps, il y a aussi une dynamique de tension. Tu parlais d'une enquête, mais l'enquête est là. On sent qu'il y a un enjeu aussi. C'est comme un peu une espèce de... Un bon mélange, dans le fond, où tu réussis à aller chercher le côté humoristique, le côté un peu plus complexe, le côté un peu plus simple. Il s'agit d'avoir un noyau fort, justement, mm-hmm. qui est l'histoire, qui est le fil conducteur. Et à partir de là, tu décides de la saveur des assaisonnements que tu vas donner. Moi, c'est le cartoon, la bande dessinée humoristique. Ça aurait pu être tout à fait d'autres choses, mais... Mais oui, merci. Mais en fait, puis on veut pas, on y va avec les influences de notre enfance. En fait, je pense qu'on s'en parlait autour du premier tome. On disait, c'est ça que t'écoutes, c'est ça que tu lis quand t'es jeune. Mais c'est peut-être ça aussi que t'as envie de proposer quand t'as une histoire à créer, de dire, moi, c'est ce que j'aimais. Voici un peu découvrir, avec un œil d'aujourd'hui, l'ambiance des récits de mon enfance. Absolument. Et c'est toujours ce que j'aime lire encore. Je ne lis pas que de ce type. Il y a bien d'autres choses qui m'intéressent aussi, mais oui. Je me dis, on sait jamais ce qui peut arriver. Il faut faire sa bande dessinée en se disant, ça pourrait être la seule, ça pourrait être la dernière. Donc, si j'en avais une ou une dernière à faire, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aurais le goût d'offrir? C'est ça. Et là, tu disais, Matt Hordock, tu travaillais sur un nouveau projet. On s'éloigne des pieds palmés pour un... On fait d'autres choses. Ça a été éprouvant. J'ai passé 3 ans là-dessus. On est au Québec. Hein, on n'est pas nécessairement payé pour faire ça. Il n'y a aucune chicane avec l'éditeur ou quoi que ce soit, aucune rancœur, en très bon terme, mais je dois prendre une pause parce que mes temps libres des 3 dernières années n'ont été consacrés qu'au pied palmé. J'ai besoin de faire d'autres choses, d'explorer d'autres univers, de faire des histoires plus courtes aussi. Alors, on va te revoir à courte échéance? C'est à déterminer. En tout cas, je continue la bande dessinée, les pieds palmés. On espère qu'il va en avoir d'autres. Ce serait bien le fun, mais pas dans l'immédiat. Alors, à découvrir, donc, d'ici quelques temps, un projet personnel. Donc, on aura l'occasion de voir. Et en attendant un éventuel 3e pied palmé, il y a le diptyque sur lequel on peut mettre la main. Matt Hordock, merci beaucoup. Merci à toi. Et je rappelle, donc, le livre s'appelle « Les pieds palmés », le tome 2, « Les croque-mitaines du Nord ». Et c'est du côté des éditions Michel Quintin. Au passage, on prend quelques minutes pour commenter peut-être brièvement deux bandes dessinées que j'ai eu l'occasion de lire tout récemment. En fait, des bandes dessinées, des fois, je regarde les livres que j'ai. Il y en a, je suis le public cible de ces albums-là. Et il y en a d'autres où, d'instinct, je me sens peut-être un peu plus distant. Et je me suis dit, on va donner une chance au titre que je chante pas, comme on dit. Et j'en ai pris deux qui s'intéressent à des récits d'adolescence ou de début d'université, si on peut dire. Donc, des récits de jeunes. Des récits pensés, au fond, où on pourrait avoir l'impression qu'ils sont pensés d'abord et avant tout pour les adolescents et peut-être les adolescentes. Et finalement, ben, en fait, au fil des lectures, il y en a un des deux que j'ai beaucoup aimé. Et il y en a un deuxième que je dois avouer que je me suis juste senti un peu exclu de l'histoire, du moins dans une bonne partie de celle-ci, mais à un moment donné aussi, ça a commencé quand même à lever, et où je me dirais, ben, peut-être qu'on a là-dedans tout au moins une bonne recommandation à vous faire. Donc, je vais commencer par le positif. Donc, c'est Giant Days. Donc, c'est une bande dessinée qui est arrivée du côté d'Aquileos. C'est tout récent. Alors, l'histoire de trois colocataires inséparables que tout distingue, évidemment, et qui vivent leur quotidien. Un quotidien matiné d'histoires amoureuses, d'un passé amoureux, de désirs amoureux, et le reste. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que dès la première page, enfin, on y va avec deux, trois lignes pour qualifier un peu les héroïnes, et on part avec ça, et on s'en va là-dessus, et on construit. Donc, on est immédiatement dans l'action, évidemment, c'est principalement du dialogue, mais le dialogue fonctionne. Les personnages sont assez typés et assez différents pour aller exploiter une belle variété d'émotions, une belle variété de relations avec les relations amoureuses, avec la sexualité aussi. Évidemment, on en parle, mais on n'en montre pas. Et ça fonctionne bien, ça coule bien, c'est efficace, ça marche. J'ai été vraiment agréablement surpris par ce titre-là, sincèrement. C'est pas transcendant ni rien, mais si j'avais une BD à offrir à un ado qui a envie de voir des ados en scène, ou des ados un peu plus vieux, là, on s'entend, ben c'est quelque chose que je lui proposerais vraiment sans crainte. C'est bien écrit, ça roule, ça marche vite, ça déboule, c'est bien dessiné, des personnages très expressifs. Donc, vraiment une belle surprise de mon côté. Donc, ça, Giant Days chez Aquileos. Et l'autre mini clin d'œil, c'était donc une adaptation de roman jeunesse, en fait, de Sylvaine Jaoui. Donc, une série qui s'appelle Ma vie selon moi, qui avait été commencée en 2011. Ça, c'est le premier tome, en fait, le jour où tout a commencé. Et essentiellement, on nous montre, ben, le jour où tout a commencé. Donc, on sent que c'est vraiment une bande dessinée où on place pour des choses qui s'en viennent. Évidemment, c'est les querelles amoureuses qui domine un brin. Dès les premières pages, on a l'impression qu'on va en rester là, je me sentais profondément exclu de ce récit-là. J'ai persisté. À la longue, en fait, ça devient peut-être un peu plus agréable à lire, et on se tombe un peu dans une ambiance qui est sympathique, qui est fort simple de tout ça. Cela dit, c'est clairement plus destiné à un public adolescent. Comme adulte, vous ne tirez pas grand joie à lire ça. Pour vos ados, s'ils ont lu la série de romans, je crois que la bande dessinée demeure sympathique. Ça resterait français, entre guillemets, dans l'accent, dans l'argot, dans les anglicismes et le reste. Mais donc, ça reste très adolescent. Donc, vous ne prendrez pas plaisir, mais votre ado peut-être. Et pour l'autre titre, ben, vous allez prendre plaisir et votre ado également. Alors, voilà pour ces deux petits clins d'œil. En musique, on écoute un extrait de Toujours Titan de Alex Lane, et un extrait justement qui s'appelle Titan. Voilà, toujours à la vie en BD, jusqu'à 18h30 avec vous pour parler 9e art, pour parler bande dessinée, et on poursuit avec un titre dont on tenait à vous parler avant que l'automne ne s'amorce trop. Il s'agit d'une bande dessinée qui est arrivée en cours de fin de printemps dernier, début d'été, donc ça s'appelle Titan, c'est de François Vigneault, c'est du côté des éditions Pow Pow. Pour en parler avec nous, François Vigneault, bonjour. Ah, bonjour. Alors, peut-être pour faire la petite histoire du récit, le récit a d'abord été publié sous forme épisodique par l'éditeur Study Group Comic, dont vous êtes le directeur artistique. Et de cette version, mais qu'est-ce qui a mené à une version francophone du récit chez Pawpaw? Et d'ailleurs, enfin, une version francophone en livre qui est arrivée avant une version anglophone aussi. Ah oui, oui. En fait, j'ai été vraiment chanceux. Luc Bosé de Édition Pawpaw m'a proposé de faire une version de français une version de Titan en français avant que le livre ait fini, mais j'ai dit oui avec plaisir. Et en fait, c'est fini dans une version intégrale en français. Même si c'est dans juste de. C'est signé en anglais, mais c'est juste des versions en numéro. Et justement, François Vigneault, pouvez-vous nous présenter en quelques mots, peut-être justement, qu'est-ce que Titan? Ah, OK. Bonne question. Titan, c'est comme une histoire, un genre sci-fi, un peu le genre de sci-fi hard. C'est pas comme dans le côté trop mystique ou quelque chose. Ça peut être possible que cette histoire peut arriver. C'est l'histoire les humains qui travaillent sur les lunes, comme les astéroïdes, les lunes comme Titan, sont des géants. Et ça, c'est comme un conflit entre comme les travailleurs qui sont des géants et les gérants qui sont comme des humains normaux, comme moi ou vous. Et j'ai lu dans une entrevue qu'à quelque part, c'était une interaction entre deux chiens qui vous avaient au départ lancé sur l'idée, sur les prémices là, de Titan. Ah oui, oui, oui. C'est vrai, en fait. Avant de penser aux aspects de comme syndicalisme des travailleurs, même de la lune de Titan, j'ai commencé avec l'idée des humains géants. Comme vous dites, à cause d'une interaction que j'ai eue entre un petit chien et un grand chien, c'est comme deux animaux sont de la même espèce, mais vraiment différentes. Et alors, j'ai commencé à penser si la même situation pourrait exister chez les humains. Et alors, à la fin, j'ai eu cette histoire de Titan. Et c'est une histoire sur laquelle vous travaillez en langue anglaise, dans votre langue maternelle au départ depuis 2012. Donc, ça fait longtemps que vous vivez avec cette histoire-là. Oui, ça fait longtemps. Mais en fait, je fais la moitié du livre dans moins d'un an, en fait. Alors, j'ai comme un genre de, comment dit-on, mais de writer's block pendant longtemps. Avant, j'ai commencé le livre. J'ai comme une période de writer's block et après ça, j'ai fini pas mal de temps après. Et donc, dans le fond, l'histoire, on l'a mentionné, donc ça part d'un enjeu. Enfin, on est sur une station spatiale, la station Homestead. Il y a les Titans, il y a les Terrans qui y travaillent. Et le récit se bâtit d'abord sur un enjeu local, sur la réalité de la station. Et en cours de route, dans le fond, le lecteur comprend bien que, oui, c'est un enjeu local, mais il y a des répercussions qui sont interplanétaires. Donc, on va chercher une dimension universelle, presque, au récit. Oui, oui, oui, oui. Oui, ça c'est vrai. J'ai comme l'idée de faire comme une histoire qui soit vraiment grounded, comme dans la vie normale de quelqu'un. Et puis après ça, il y a comme vraiment un conflit qui est vraiment plus grand que les personnages en particulier. Et après ça, j'ai l'idée de représenter ça dans l'histoire. Et tout ça dans un contexte, François Vigneault, qui est réaliste, en fait, Titan, c'est tout en zone de gris, il n'y a pas vraiment de gentil, il n'y a pas vraiment de méchant. Autant Terran que Titan sont à la fois les vilains et les bons de l'histoire. Mais oui, oui, ça aussi, c'est vraiment important pour moi, de voir le point de vue des deux côtés, ou en fait, de chaque personnage. À mon avis, chacun a leur propre histoire. C'est pas comme les gens sont des méchants et les autres sont des bonnes grâces. C'est comme chaque personne a son propre histoire, à mon avis. Oui, et autant en fait, dans le fond, les héros sont des deux côtés et les vilains, ils sont aussi, même en termes de personnages, c'est avec un côté peut-être, en fait, des archétypes, mais entre autres, vos deux héros, vous leur donnez aussi une histoire d'amour, une histoire d'attirance, une passion, donc qui nous amène dans une dimension très, très intime. Ah oui, oui. Oui, en fait, j'ai commencé avec cet aspect un peu de l'histoire, de l'idée de l'histoire d'amour. Ça, c'est arrivé avant l'idée d'un conflit entre les terrains et les titans. J'ai toujours l'idée que ces titans sera un récit sur les relations interpersonnelles. Les histoires de comme deux personnes qui sont prises au milieu d'un conflit plus vaste. Mm-hmm. Est-ce que ça marche? Oui. Et comment on s'y prend pour bâtir un monde comme ça, bâtir une situation géopolitique, bâtir une science? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail préparatoire, dans le fond, autour de Titan? Oui, mais dans un certain sens, beaucoup de travail, mais aussi, j'ai aussi comme un côté, je fais beaucoup d'improvision avec mon processeur créatif. Je fais beaucoup de choix pendant je fais l'histoire. Donc, alors, je commence avec des certaines recherches, des certaines idées, mais je suis toujours ouverte à que l'histoire m'adonne des nouvelles idées, si ça fait du sens. Et dans ce contexte-là aussi, il y a des défis au niveau du dessin. D'emblée, peut-être parlons un peu de la palette. Vous avez choisi donc une palette composée de noir, blanc, rose et mauve. Pourquoi ce choix et pourquoi ces couleurs-là? Parce que, si je ne me trompe pas, la version initiale publiée dans Study Group Comics, les couleurs variaient selon les chapitres jaune, mauve, vert. Ah, OK. Well, alors, ça, c'est comme une question économique plus que d'autres choses. La version en anglais, la version américaine, c'est des petits numéros. So, alors, comme chaque numéro peut être dans une différente couleur. Mais avec un livre tout complet, le livre artefact de l'édition Pantin, c'est juste j'ai besoin de choisir un couleur. So, alors, à la fin, c'est comme un choix entre comme j'ai pensé à orange, rose, mauve, et finalement, mon Luc Beauté et puis aussi Alexandre Santarusso, qui a fait la traduction, me convainc de faire mauve. Et j'ai décidé que ça marche bien. Et autour de la couleur, il y a aussi la musique qui est très présente dans le récit. Vos deux personnages principaux sont des mélomanes. Il y a des chansons de notre siècle qui s'y trouvent. Les chapitres font référence à ces chansons-là aussi. On a presque une trame sonore pour l'album. Ah oui, ça peut marcher. Ça peut marcher bien, je pense, la trame sonore comme ça. Mais oui, ça aussi, c'est une idée. J'ai eu cette idée de, comme comme vous dites, les mélomanes, les gens qui aiment beaucoup de la musique, ça, c'est comme un lien entre les deux personnages principaux qui, un, c'est un terrain, l'autre, c'est un titan. So, alors, ils sont vraiment différents dans des certains aspects de leur personnalité. Et j'ai pensé la musique peut être comme un lien entre les deux. Aussi, la musique, c'est pas la musique de la future, c'est la musique de maintenant, de le 20e, le 21e siècle. Alors ça, c'est la musique, un peu comme la musique classique pour nous. C'est la musique classique pour les gens du futur. Et au niveau de la traduction, comment ça s'est passé? C'est Alexandre Fontaine-Rousseau qui a travaillé sur la version française du récit. Ah, mais c'est excellent. Alexandre, c'est aussi lui-même un auteur de bande dessinée. Alors, je pense qu'il a des bonnes idées comment ça marche avec la dialogue, avec les histoires, comment faire les choses. Alors, c'est lui qui a fait comme toute la traduction. Moi, même si mon français, c'est certainement pas parfait, je peux comprendre, je peux lire assez bien. So, alors, je peux lire toute son histoire et je comme dis mes petites critiques ou mes s'il y a des certaines choses qui c'est pas exactement comme je veux dans l'histoire et nous travaillons ensemble très bien, je pense. Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous après Titan? Est-ce qu'on reste un peu dans cet univers-là ou est-ce qu'un prochain projet vous amène complètement ailleurs? Pas tout de suite. J'ai une idée pour la suite de Titan. Probablement, c'est quelque chose comme générationnel, comme quelque chose qui arrive à la génération après la génération de Titan. Pas immédiatement. En fait, je suis en train de faire un nouveau livre, mais le nouveau, moi, je suis pas l'auteur. Je fais les dessins, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'histoire. Alors, ça c'est intéressant, un nouveau défi pour moi. Alors, ce sera à découvrir. Et d'ici là, évidemment, on découvre Titan. François Vigneault, merci beaucoup. Merci, bonne journée. À vous aussi. Alors voilà, c'était François Vigneault, donc je rappelle, auteur de cette bande dessinée Titan, qui a été publiée du côté des éditions Pow Pow. De la vie en BD. On a le plaisir de la faire avec un de nos libraires en résidence, Jérôme Vermette de la librairie La Liberté. Bonjour. Salut Raymond. Et Jérôme, en fait, comme à l'habitude, quelques suggestions BD. On y va avec des coups de cœur. Dans ton cas, j'imagine, en fait, j'assume. Je prends toujours ça quand tu me demandes de venir. Alors, on va commencer immédiatement avec Plutona. OK, oui, tant qu'à rester dans la science-fiction, puisqu'on vient d'en parler avec M. Vigneault. C'est thématique. Oui, effectivement. C'est un peu surprenant, d'ailleurs, de la part de Futuropolis d'avoir publié ce genre d'ouvrage-là. En tout cas, moi, généralement, je tombe quasiment tout le temps dans les bandes dessinées de reportage avec cette maison d'édition-là. Tout d'abord, je tiens à souligner que c'est Jeff Lemire qui l'a écrit. Et Jeff Lemire qui s'est mérité cette année, si je me trompe pas, entre autres pour Plutona, un Joe Shuster Award. Donc, c'est dire que quand même qu'on a affaire là à un scénariste qui est de plus en plus reconnu. Oui, du côté du Canada anglais, c'est bon de voir en fait cet univers-là aller aussi vers un peu le franco-belge. Oui, effectivement. Et puis, justement, Lemire écrit beaucoup, entre autres, chez Marvel. Et là, je m'attendais justement à une bande dessinée standard de super-héros. On n'est pas du tout là-dedans. C'est surtout, d'abord et avant tout, un drame adolescent. Là-dedans, le super-héros n'est qu'un prétexte pour parler de l'adolescence et de ce qu'on vit en crise dans ces moments-là. Donc, c'est 5 adolescents que beaucoup de choses séparent, qui en même temps d'autres unissent et tombe par hasard en se promenant dans les bois sur le cadavre, ce qui est supposé être le cadavre de Plutona, qui est la super-héroïne, une espèce de supergirl qui évidemment s'occupe de nettoyer la ville de tous les super-vilains. La ville qui s'appelle Metro City, je ne sais pas à quoi ça peut nous faire penser, mais bon. Inévitablement. Ça, évidemment, comme je dis là, Plutona, elle, n'est qu'un prétexte pour déclencher beaucoup de choses chez ces adolescents-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cache le cadavre? Est-ce qu'on doit prévenir la police, etc. Et donc, éventuellement, toutes les personnalités de ces adolescents-là vont s'exacerber au fur et à mesure du récit et, dans certains cas, même nous prendre par surprise, peut-être même faire ressortir les côtés les plus obscurs de chacun d'entre eux. Ce qui est intéressant là-dedans, entre autres, c'est la manière dont le récit est mené. Donc, je disais que c'est pas une bande dessinée d'action, malgré le fait que ça semble être présenté comme une bande dessinée de super-héros. C'est vraiment une bande dessinée psychologique, d'abord et avant tout, avec un petit côté thriller, entre guillemets. Mais entrecoupé de certains moments qui racontent l'histoire de Plutona avant qu'elle arrive à être découverte par les fameux adolescents. Et là, sur ce petit côté-là, évidemment, peut nous faire penser peut-être à Watchmen, quand la première fois où ça apparaît, on a l'impression d'avoir la couverture d'un vieux comic des années 80, là, avec le prix de 35 cents et tout ça. Ce qui est peut-être particulier également, contrairement à la plupart des bandes dessinées de ce genre-là, le dessin de Emily Lennox, si ma mémoire est bonne, la dessinatrice c'est Emily Lennox. Emmy, excusez-moi, et non pas la chanteuse. Il est d'une très grande simplicité, là. Elle ne va pas dans les détails de muscles comme on est habitué de voir, tout ça. Donc, probablement, ça aide à se laisser aller vraiment dans l'histoire. Moi, je trouve de pas se laisser distraire par un dessin qui pourrait être juste trop divertissant en tant que tel. Donc, le côté psychologique, dans le fond, plutôt que d'aller vers l'archétype au niveau du dessin, plus réaliste, les muscles. Exactement. Et le reste. Donc, on va ailleurs, on garde l'aspect thématique, mais pas l'aspect visuel de ces comics. C'est vraiment un ouvrage de psychologie en tant que tel. C'est vraiment ça, là. C'est une histoire d'adolescent, mais bon, évidemment, là, ça n'a rien à voir avec... C'est pour adultes en tant que tel, là, même si les personnages sont des adolescents, mais c'est une très grande rigueur psychologique, j'ai trouvé. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé là, cette bande dessinée-là, écrite par Jeff Lemire. Alors, c'est Plutona. Du côté de Futuropolis, deuxième titre, Jérôme. En fait, moi, j'ai bien aimé. Ben, faut dire que, je sais pas, j'imagine que comme moi, on a une appréciation pour Tom Gold. Oui, puis c'est drôle, je me souvenais que tu m'avais dit ça, que tu étais un grand fan de Tom Gold. Moi, personnellement, je l'ai découvert avec Police Lunaire. C'est un peu un privilège d'avoir eu l'occasion de lire En cuisine avec Kafka, qui ne doit paraître que la semaine prochaine, je crois. En tout cas, le 11 octobre, si ma mémoire est bonne, la date. En cuisine avec Kafka, qui est en fait une compilation, une anthologie de strips qu'il a écrit pour le Guardians, entre autres. Oui, en fait, c'est un peu dans l'esprit de Vous êtes tous jaloux de mon Jackpack. Ouais, on est exactement. Dans la continuité, donc c'est les strips. Mais en même temps, je ne sais pas comment tu les prends, mais pour moi, c'est moins des strips, c'est plus à la limite des gags concepts. Oui, c'est assez particulier de lire Tom Gold là-dedans. Dans Police Lunaire, effectivement, c'était un récit en tant que tel. Et là, des strips, dans certains cas, juste une case. Hein, pas tant nécessairement des choses sur lesquelles on va hurler de rire. Dans certains cas, il y a une sorte de poésie chez Tom Gold, je trouve, et dans le dessin, et dans sa thématique, et dans sa manière d'amener la thématique. Des livres qui se parlent, parce qu'il y en a un qui est déprimé d'avoir été adapté au cinéma. Il imagine aussi comment on pourrait refaire jazz des centaines de fois. Il y a toutes sortes de sujets là-dedans. Il fait, si ma mémoire est bonne, un strip où c'est juste sa bibliothèque et par couleur, on montre les livres, ceux que j'ai lus, ceux que j'ai pas lus, ceux que j'aurais aimé mieux ne pas avoir lus, etc. Donc, toutes sortes de choses comme ça. C'est piquant, c'est de toute beauté. Son dessin est très simple, mais en même temps, il y a personne qui dessine comme lui, je trouve. Son univers de formes et de robots, de livres qui parlent, etc. Donc, est toujours hyper intéressant à découvrir au niveau de l'image, même si en même temps, ça a l'air très simple. Sa manière de faire les strips, les cases et tout ça, ça, il me rappelait un peu, d'ailleurs, dans son atmosphère, je me rappelle avoir déjà dit ça dans un post Facebook, il me rappelle un peu Ligné dans Macanudo, à la fois drôle et poétique, et puis qui s'amuse également avec les cases. C'est un super beau livre que Alto nous a préparé là, une édition de très grande qualité, de toute beauté. En tout cas, même si vous n'avez pas aimé Police Lunaire, parce que c'est vraiment... autre chose, En cuisine avec Kafka, moi j'ai trouvé que c'était un grand cru, dans le genre là, strip pour s'amuser, qui fait réfléchir aussi, parce que dans le sens que le thème central, à mon sens, c'est que Tom Gold aime beaucoup les livres, et c'est beaucoup ça qu'on trouve d'abord et en fait, avant tout dans ça. C'est que des gags littéraires. Ouais, pratiquement que ça, effectivement. Et quelques petits clins d'œil sur le cinéma. Ceux qui veulent s'attendre à voir Kafka risquent d'être déçus. Je pense qu'on le voit qu'une fois et on cuisine avec lui. On cuisine avec lui quand on le voit, effectivement. Oui. Mais il y a une autre référence à Kafka et c'est tout, là. Donc, vraiment, c'est des gags littéraires de manière générale, comme tu disais, mais de toute beauté. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ouais, moi aussi, en fait, je te rejoins parce que pour l'avoir lu, contrairement à d'autres livres dont tu parles des fois, que je découvre avec toi, mais sincèrement, pour moi, Tom Gold, c'est un auteur qu'on peut voir en librairie et décider de l'acheter, partir avec. Il n'a pas fait d'erreur. Il n'y a pas de mauvais titre de Goliath à En cuisine avec Kafka. Là, ouais. C'est quatre ouvrages excellents qu'ils nous ont offerts. Alors, je rejoins vertement ta proposition. Et malgré tout, il y a tout le temps, on voit qu'il y a eu de la réflexion derrière chacun de ces planches et tout ça. Je te laisse lancer sur ton dernier titre. Ben, le dernier titre, on finit plus en action. Hein, c'est Bâtard de Max de Radiguez. Max de Radiguez qui travaille beaucoup dans le fanzine, entre autres, et tout ça. Bâtard, moi, j'étais un peu surpris. Je m'attendais à une BD vraiment bourrée d'action, quelque chose de dur. Je m'attendais presque à quelque chose à la Quentin Tarantino avec la couverture. Et finalement, on a quelque chose de pratiquement plus attendrissant. C'est May et Eugène. May, qui est une jeune mère, et Eugène, un jeune garçon, manifestement son fils, et ils se sauvent parce qu'ils ont, c'est des truands la petite semaine, et ils ont décidé de voler leur propre partenaire. Donc, ils sont poursuivis par les partenaires qui essaient de retrouver leur part de l'argent et tout ça. C'est un peu un road movie. Ces deux-là cherchent à se cacher, puis en même temps, on voit qu'ils veulent s'en sortir. Radiguez a fait un scénario qui nous permet de s'attacher à ces deux personnages-là d'une manière très, très attendrissante. Ils finissent par rencontrer, ici et là, en dehors des gens qui veulent leur peau, rencontrer des gens qui veulent les aider, qui veulent manifestement, qui pourraient donner l'espoir de connaître une meilleure vie, une vie plus intéressante. C'est très, très bien mené, c'est bien rythmé. Les moments où on est plus dans le psychologique ou les moments attendrissants, comme je te disais, sont ni trop longs ni trop courts. Ils sont au bon moment et il y a un certain rythme dans l'action, dans le thrill de la poursuite. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Comment ils vont s'en sortir? On a un peu peur que ça puisse finir de manière dramatique. Je veux pas dire nécessairement comment c'est fini. Disons que c'est mi-figue, mi-raisin. Sans être totalement dramatique, c'est une fin plutôt mi-figue, mi-raisin. Donc, c'est pas nihiliste comme finale. Et le dessin de Max de Radiguez, toujours en très grande simplicité, mais très, très beau à chaque fois. Juste ce qu'il faut de détails. Donc, vraiment un titre assez très intéressant publié par Casterman. Alors, ça, c'est Bâtard de Max de Radiguez. Voilà. Jérôme Vermette, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, Raymond. Puis on se dit à très bientôt. Et à la prochaine. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. La semaine prochaine, entre autres éléments, il y aura Jacques Lamontagne qui sera de passage pour nous présenter son Sheldon et Felter. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.